Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le dernier samedi du mois et c'est l'heure de votre saga. Aujourd'hui, un artiste ultra connu, Oliver Cheatham. Il est né le 24 février 1948 à Détroit. Oliver Cheatham a été encouragé à chanter par sa mère dès le plus jeune âge. D'abord membre de plusieurs groupes de chant, il se fait vite remarquer par son talent exceptionnel. Il décroche rapidement un contrat avec la maison de disques MCA Records, qui lui assura la distribution de ses albums solo. Alors en 1982, Oliver Cheatham sort donc son premier album intitulé The Boss. Le premier extrait du jour, c'est Everybody Wants to Be The Boss. En 1983, Oliver Cheatham sort son album intitulé Saturday Night. Cet opus est produit par Al Perkins et referme différents titres très disco-funk dont le tube Get Down Saturday Night. Ce dernier, écrit par Oliver Cheatham lui-même et par l'instrumentaliste Kevin McCord, conquiert facilement le cœur du public. Le tube étant muni de mélodies et de rythmes largement entraînants avec des paroles très très bien écrites. Les amateurs de la musique disco-funk sont éblouis et qualifient le titre de meilleur morceau disco de tous les temps. Get Down Saturday Night ne tarde pas à faire le tour du monde. La 23e place lui revient dans les charts allemands et la 38e rang dans les top anglais. Le titre ne tarde pas non plus à devenir le sujet d'intérêt des DJ et il devient facilement le tube le plus convoité en termes de mixage dans les années 80. Oliver Cheatham lui-même projette d'en faire plusieurs versions. Désormais, sa carrière musicale va se tourner autour de Get Down Saturday Night. Il en existe, tenez-vous bien, pas moins de 15 différentes. Alors, pour le morceau à suivre, vous aurez droit à Something About You. C'était en 1983 et ça donnait ça. Something about you. Il continue également, dans les années 80, à sortir d'autres titres, SOS, Celebrate et Turn Off the Light, qui sera un duo avec Jocelyn Brown. Dans les années 90, il travailla surtout en tant que chanteur additionnel pour divers artistes. En 1987, il sort l'album Go For It, d'où sera extrait le titre SOS ainsi que Celebrate. J'ai choisi de vous faire écouter SOS, bah, bien sûr car il faut bien faire un choix. I need to find my baby. Won't you help me find? Help me find my lady. I need to find my baby. Won't you help me find? Help me find my lady. I need to find my baby. Won't you help me find? Help me find my lady. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Pendant une certaine période, Oliver Cheatham demeure dans le silence. Vers le début de l'année 2003, en collaboration avec Room 5, il décide de revenir sur le devant des projecteurs et sort un nouveau single intitulé Make Love. Ce titre, une variante de Get Down Saturday Night, fait des tapages dès sa première sortie. Que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, le tube se place dans les charts des singles. Particulièrement dans le Royaume-Uni, il occupe la première place des ventes pendant une durée de plus d'un mois. Un succès qui confirme encore une fois celui du titre original de l'année 1983. En 2005, en collaboration avec le DJ Michael Gray, Oliver Cheatham sort un nouveau tube intitulé The Weeknd, toujours une variante de Get Down Saturday Night. Un succès fou accueille encore une fois le titre, avec une première place dans les tops des ventes des singles dans plusieurs pays. Après ces divers cartons dignes d'un record, le titre Get Down Saturday Night devient un tube incontournable, non seulement lorsque l'on fait référence au disco funk, mais lorsqu'on parle aussi de remix. Allez, jugez par vous-même. Saturday night. Saturday night. qu'en 2007, le titre est repris par de grands DJ et des musiciens. On peut citer Axwell, Def Band, Junior Jack, DJ Tonka, Daft Punk, Roof, DJ Abdel ou encore Franz Ferdinand. Aujourd'hui encore, les rythmes du tube continuent à résonner dans les plus grandes discothèques, surtout avec la récente réédition de l'album Saturday Night. Oliver va s'éteindre dans la nuit du 29 novembre 2013, à l'âge de 65 ans dans la ville qu'il a vu naître. Le dernier morceau pour conclure notre émission, c'est Bless the Lady. Et comme toute émission sur Oliver Cheatham, je la dédie à mon collègue heureux retraité Le Gax, grand fan devant l'univers. À la semaine prochaine, bye bye. Bless the lady of the world. We need them.